Section 5 de « Compilation de contes » par Marie-Catherine d'Aulnoy. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan. Compilation de contes par Marie-Catherine d'Aulnoy. La biche au bois. Suite. La reine courut au palais de sa chère fille. Elle lui conta tout ce qui se passait. Désiré sentit alors une douleur sans pareille. Son cœur se serra, elle s'évanouit, et la reine connut les sentiments qu'elle avait pour le prince. « Ne vous affligez point, ma chère enfant, lui dit-elle. Vous pouvez tout pour sa guérison. Je ne suis inquiète que pour les menaces que la fée de la fontaine fit à votre naissance. « Je me flatte, madame, répliqua-t-elle, qu'en prenant quelques mesures, nous tromperons la méchante fée. Par exemple, ne pourrais-je pas aller dans un carrosse tout fermé, où je ne verrai point le jour ? On l'ouvrirait la nuit pour nous donner à manger. Ainsi, j'arriverais heureusement chez le prince guerrier. » La reine goûta beaucoup cet expédient. Elle en fit part au roi qui l'approuva aussi, de sorte qu'on envoya dire à Bécafigue de venir promptement. Il reçut des assurances certaines que la princesse partirait au plus tôt, qu'ainsi il n'avait qu'à s'en retourner pour donner cette bonne nouvelle à son maître, et que, pour se hâter davantage, on négligerait de lui faire l'équipage et les riches habits qui convenaient à son rang. L'ambassadeur, transporté de joie, se jeta encore aux pieds de leur majesté pour les remercier. Il partit ensuite, sans avoir vu la princesse. La séparation du roi et de la reine lui aurait semblé insupportable si elle avait été moins prévenue en faveur du prince. Mais il est de certains sentiments qui étouffent presque tous les autres. On lui fit un carrosse de velours vert par dehors, orné de grandes plaques d'or et par dedans de brocarts d'argent et couleurs de rose rebrodées. Il n'y avait aucune glace, il était fort grand, il fermait mieux qu'une boîte. Et un seigneur des premiers du royaume fut chargé des clés qui ouvraient les serrures qu'on avait mises aux portières. Autour d'elle, on voyait les grâces, les ris, les plaisirs et les jeux, et les amours respectueux empressés à suivre ses traces. Elle avait l'air majestueux, avec une douceur céleste. Elle s'attirait tous les vœux, sans compter ici tout le reste. Elle avait les mêmes attraits que fit briller Adélaïde, quand l'hymen, lui servant de guide, elle vint dans ces lieux pour cimenter la paix. L'on nomma peu d'officiers pour l'accompagner, afin qu'une nombreuse suite n'embarrassât point. Et après lui avoir donné les plus belles pierreries du monde et quelques habits très riches, après, dis-je, des adieux qui pensèrent faire étouffer le roi, la reine et toute la cour à force de pleurer, on l'enferma dans le carrosse sombre avec sa dame d'honneur, Longue Épine et Giroflée. On a peut-être oublié que Longue Épine n'aimait point la princesse Désirée. Mais elle aimait fort le prince guerrier, car elle avait vu son portrait parlant. Le trait qui l'avait blessé était si vif qu'étant sur le point de partir, elle dit à sa mère qu'elle mourrait si le mariage de la princesse s'accomplissait, et que si elle voulait la conserver, il fallait absolument qu'elle trouvât un moyen de rompre cette affaire. La dame d'honneur lui dit de ne point s'affliger, qu'elle tâcherait de remédier à sa peine en la rendant heureuse. Lorsque la reine envoya à sa chère enfant, elle la recommanda au-delà de tout ce qu'on peut dire à cette mauvaise femme. « Quel dépôt, ne vous confiais-je pas ? » lui dit-elle. « C'est plus que ma vie. Prenez soin de la santé de ma fille. Mais surtout, soyez soigneuse d'empêcher qu'elle ne voie le jour. Tout serait perdu. Vous savez de quel mot elle est menacée. Et je suis convenue avec l'ambassadeur du prince guerrier que, jusqu'à ce qu'elle ait 15 ans, on la mettrait dans un château où elle ne verra aucune lumière que celle des bougies. » La reine combla cette dame de présents pour l'engager à une grande exactitude. Elle lui promit de veiller à la conservation de la princesse et de lui en rendre bon compte aussitôt qu'elle serait arrivée. Ainsi, le roi et la reine, se reposant sur ses soins, n'eurent point d'inquiétude pour leur chère fille. Cela servit en quelque façon à modérer la douleur que son éloignement leur causait. Mais Longue Épine, qui apprenait tous les soirs par les officiers de la princesse qui ouvraient le carrosse pour lui servir à souper, que l'on approchait de la ville où elles étaient attendues, pressait sa mère d'exécuter son dessein, craignant que le roi et le prince ne vinssent au-devant d'elle, et qu'il ne fût plus temps. De sorte qu'environ l'heure de midi, où le soleil darde ses rayons avec force, elle coupa tout d'un coup l'impériale du carrosse où elles étaient renfermées, avec un grand couteau fait exprès qu'elle avait apporté. Alors, pour la première fois, la princesse Désirée vit le jour. À peine l'eut-elle regardé et poussé un profond soupir, qu'elle se précipita du carrosse sous la forme d'une biche blanche et se mit à courir jusqu'à la forêt prochaine, où elle s'enfonça dans un lieu sombre pour y regretter sans témoin la charmante figure qu'elle venait de perdre. La fée de La Fontaine, qui conduisait cette étrange aventure, voyant que tous ceux qui accompagnaient la princesse se mettaient en devoir, les uns de la suivre et les autres d'aller en ville pour avertir le prince guerrier du malheur qui venait d'arriver, sembla aussitôt bouleverser la nature. Les éclairs et le tonnerre effrayèrent les plus assurés, et par son merveilleux savoir, elle transporta tous ces gens fort loin afin de les éloigner du lieu où leur présence lui déplaisait. Il ne resta que la dame d'honneur, Longue Épine et Giroflée. Celle-ci courut après sa maîtresse, faisant retentir les bois et les rochers de son nom et de ses plaintes. Les deux autres, ravis d'être en liberté, ne perdirent pas un moment à faire ce qu'elles avaient projeté. Longue Épine mit les plus riches habits de Désirée. Le manteau royal qui avait été fait pour ses noces était d'une richesse sans pareille, et la couronne avait des diamants deux ou trois fois gros comme le poing. Son spectre était d'un seul rubis. Le globe qu'elle tenait dans l'autre main, d'une perle plus grosse que la tête. Cela était rare et très lourd à porter, mais il fallait persuader qu'elle était la princesse, et ne rien négliger de tous les ornements royaux. En cet équipage, Longue Épine, suivie de sa mère, qui portait la queue de son manteau, s'achemine vers la ville. Cette fausse princesse marchait gravement, elle ne doutait pas que l'on ne vînt les recevoir. Et en effet, elles n'étaient guère avancées quand elles aperçurent un gros de cavalerie, et au milieu, deux litières brillantes d'or et de pierreries, portées par des mulets, ornées de longs panaches de plumes vertes. C'était la couleur favorite de la princesse. Le roi, qui était dans l'une, et le prince malade dans l'autre, ne savaient que juger de ces dames qui venaient à eux. Les plus empressés galopèrent vers elles, et jugèrent, par la magnificence de leurs habits, qu'elles devaient être des personnes de distinction. Ils mirent pied à terre et les abordèrent respectueusement. « Obligez-moi de m'apprendre, leur dit Longue Épine, qui est dans ces litières. « Mesdames, répliquèrent-ils, c'est le roi et le prince son fils qui viennent au-devant de la princesse Désirée. « Allez, je vous prie leur dire, continua-t-elle, que la voici. Une fée jalouse de mon bonheur a dispersé tous ceux qui m'accompagnaient par une centaine de coups de tonnerre, d'éclairs et de prodiges surprenants. Mais voici Madame d'honneur, qui est chargée des lettres du roi mon père et de mes pierreries. » Aussitôt, ses cavaliers lui baisèrent le bas de sa robe et furent en diligence annoncer au roi que la princesse approchait. « Comment ? S'écria-t-il. Elle vient à pied, en plein jour ?» Ils lui racontèrent ce qu'elle leur avait dit. Le prince, brûlant d'impatience, les appela, et sans leur faire aucune question, « Avouez, leur dit-il, que c'est un prodige de beauté, un miracle, une princesse tout accomplie. » Ils ne répondirent rien et surprirent le prince. « Pour avoir trop à louer, continua-t-il, vous aimez mieux vous taire. « Seigneur, vous l'allez voir, lui dit le plus hardi d'entre eux. « Apparemment que la fatigue du voyage l'a changé. » Le prince demeura surpris. S'il avait été moins faible, il se serait précipité de la litière pour satisfaire son impatience et sa curiosité. Le roi descendit de la sienne et s'avançant, avec toute la cour, il joignit la fausse princesse. Mais aussitôt qu'il eut jeté les yeux sur elle, il poussa un grand cri et reculant quelques pas. « Que vois-je » dit-il, « quelle perfidie !»« Sire, dit la dame d'honneur, en s'avançant hardiment, voici la princesse Désirée, avec les lettres du roi et de la reine. Je remets aussi entre vos mains la cassette de pierreries dont ils me chargèrent en partant. » Le roi gardait à tout cela un morne silence, et le prince, s'appuyant sur Becafigue, s'approcha de Longue Épine. « Oh Dieu ! Que devint-il après avoir considéré cette fille, dont la taille extraordinaire faisait peur ? Elle était si grande que les habits de la princesse lui couvraient à peine les genoux. Sa maigreur affreuse, son nez plus crochu que celui d'un perroquet, brillait d'un rouge luisant. Il n'a jamais été de dents plus noires et plus mal rangées. Enfin, elle était aussi laide que Désirée était belle. Le prince, qui n'était occupé que de la charmante idée de sa princesse, demeura transi et comme immobile à la vue de celle-ci. Il n'avait pas la force de proférer une parole, il la regardait avec étonnement, et s'adressant ensuite au roi, « Je suis trahi, lui dit-il, ce merveilleux portrait sur lequel j'engageais ma liberté n'a rien de la personne qu'on nous envoie. L'on a cherché à nous tromper, l'on y a réussi, il m'en coûtera la vie. « Comment l'entendez-vous, Seigneur ? Dit Longue Épine. « L'on a cherché à vous tromper, sachez que vous ne le serez jamais en m'épousant. » Son effronterie et sa fierté n'avaient pas d'exemple. La dame d'honneur renchérissait encore par-dessus. « Ah, ma belle princesse ! S'écriait-elle, où sommes-nous venus ? Est-ce ainsi que l'on reçoit une personne de votre rang? Quelle inconstance! Quel procédé! Le roi, votre père, en saura bien tirer raison. C'est nous qui nous la ferons faire, répliqua le roi. Il nous avait promis une belle princesse. Il nous envoie un squelette, une momie, qui fait peur. Je ne m'étonne plus qu'il ait gardé ce beau trésor caché pendant 15 ans. Il voulait attraper quelques dupes. C'est sur nous que le sort a tombé. Mais il n'est pas impossible de s'en venger. Quels outrages ! S'écria la fausse princesse. Ne suis-je pas bien malheureuse d'être venue sur la parole de tels gens ? Voyez que l'on a grand tort de s'être fait peindre, un peu plus belle que l'on est. Cela n'arrive-t-il pas tous les jours ? Si pour tels inconvénients les princes renvoyaient leurs fiancés, peu se marieraient. Le roi et le prince, transportés de colère, ne daignèrent pas lui répondre. Ils remontèrent chacun dans leur litière, et sans autre cérémonie, un garde du corps mit la princesse en trousse derrière lui, et la dame d'honneur fut traitée de même. On les mena dans la ville. Par ordre du roi, elles furent enfermées dans le château des Trois Pointes. Le prince guerrier avait été si accablé du coup qui venait de le frapper que son affliction s'était toute renfermée dans son cœur. Lorsqu'il eut assez de force pour se plaindre, que ne dit-il pas sur sa cruelle destinée ? Il était toujours amoureux et n'avait pour tout objet de sa passion qu'un portrait. Ses espérances ne subsistaient plus, toutes les idées si charmantes qu'il s'était faites sur la princesse désirée se trouvaient échouées. Il aurait mieux aimé mourir que d'épouser celle qu'il prenait pour elle. Enfin, jamais désespoir ne fut égal au sien. Il ne pouvait plus souffrir la cour. Il résolut, dès que sa santé le lui permettrait, de s'en aller secrètement et de se rendre dans quelque lieu solitaire pour y passer le reste de sa triste vie. Il ne communiqua son dessein qu'au fidèle Bécafig. Il était bien persuadé qu'il le suivrait partout et il le choisit pour parler avec lui plus souvent qu'avec un autre du mauvais tour qu'on lui avait joué. À peine commença-t-il à se porter mieux qu'il partit et laissa une grande lettre pour le roi sur la table de son cabinet, l'assurant qu'aussitôt que son esprit serait un peu tranquillisé, il reviendrait auprès de lui, mais qu'il le suppliait, en attendant, de penser à leur commune vengeance et de retenir toujours la laide princesse prisonnière. Il est aisé de juger de la douleur qu'eut le roi lorsqu'il reçut cette lettre. La séparation d'un fils si cher pensa le faire mourir. Pendant que tout le monde était occupé à le consoler, le prince et Bécafig s'éloignaient, et au bout de 3 jours, ils se trouvèrent dans une vaste forêt, si sombre par l'épaisseur des arbres, si agréable par la fraîcheur de l'herbe et des ruisseaux qui coulaient de tous côtés, que le prince, fatigué de la longueur du chemin, car il était encore malade, descendit de cheval et se jeta tristement sur la terre, sa main sous sa tête, ne pouvant presque parler, tant il était faible. « Seigneur, lui dit Bécafig, pendant que vous allez vous reposer, je vais chercher quelques fruits pour vous rafraîchir et reconnaître un peu le lieu où nous sommes. » Le prince ne lui répondit rien, il lui témoigna seulement par un signe qu'il le pouvait. « Il y a longtemps que nous avons laissé la biche au bois. Je veux parler de l'incomparable princesse. » Elle pleura en biche désolée lorsqu'elle vit sa figure dans une fontaine qui lui servait de miroir. « Quoi, c'est moi ? » disait-elle. « C'est aujourd'hui que je me trouve réduite à subir la plus étrange aventure qui puisse arriver du règne des fées à une innocente princesse telle que je suis. Combien durera ma métamorphose ? Où me retirer pour que les lions, les ours et les loups ne me dévorent point ? Comment pourrais-je manger de l'herbe ? » Enfin, elle se faisait 1000 questions et ressentait la plus cruelle douleur qu'il est possible. Il est vrai que si quelque chose pouvait la consoler, c'est qu'elle était une aussi belle biche qu'elle avait été belle princesse. La faim pressant désirée, elle brouta l'herbe de bon appétit et demeura surprise que cela pût être. Ensuite, elle se coucha sur la mousse. La nuit la surprit, elle la passa avec des frayeurs inconcevables. Elle entendait les bêtes féroces proches d'elle, et souvent, oubliant qu'elle était biche, elle essayait de grimper dans un arbre. La clarté du jour la rassura un peu. Elle admirait sa beauté et le soleil lui paraissait quelque chose de si merveilleux qu'elle ne se lassait point de le regarder. Tout ce qu'elle avait entendu dire lui semblait fort au-dessous de ce qu'elle voyait. C'était l'unique consolation qu'elle pouvait trouver dans un lieu si désert. Elle y resta toute seule pendant plusieurs jours. La fée Tulipe, qui avait toujours aimé cette princesse, ressentit vivement son malheur, mais elle avait un véritable dépit que la reine et elle eussent fait si peu de cas de ses avis, car elle leur dit plusieurs fois que si la princesse partait avant que d'avoir 15 ans, elle s'en trouverait mal. Cependant, elle ne voulait point l'abandonner aux furies de la fée de la fontaine, et ce fut elle qui conduisit les pas de Giroflée vers la forêt, afin que cette nouvelle confidente pût la consoler dans sa disgrâce. Cette belle biche passait doucement le long d'un ruisseau quand Giroflée, qui ne pouvait presque marcher, se coucha pour se reposer. Elle rêvait tristement de quel côté elle pourrait aller pour trouver sa chère princesse. Lorsque la biche l'aperçut, elle franchit tout d'un coup le ruisseau qui était large et profond. Elle vint se jeter sur Giroflée et lui faire 1000 caresses. Elle en demeura surprise. Elle ne savait si les bêtes de ce canton avaient quelque amitié particulière pour les hommes qui les rendit humaines, ou si elle la connaissait, car enfin, il était fort singulier qu'une biche s'avisât de faire si bien les honneurs de la forêt. Elle la regarda attentivement et vit avec une extrême surprise de grosses larmes qui coulaient de ses yeux. Elle ne douta plus que ce ne fût sa chère princesse. Elle prit ses pieds, elle les baisa avec autant de respect et de tendresse qu'elle avait baisé ses mains. Elle lui parla et connut que la biche l'entendait, mais qu'elle ne pouvait lui répondre. Les larmes et les soupirs redoublèrent de part et d'autre. Giroflée promit à sa maîtresse qu'elle ne la quitterait point. La biche lui fit 1000 petits signes de la tête et des yeux qui marquaient qu'elle en serait très aise et qu'elle la consolerait d'une partie de ses peines. Elles étaient demeurées presque tout le jour ensemble. Bichette eut peur que sa fidèle Giroflée n'eût besoin de manger. Elle la conduisit dans un endroit de la forêt où elle avait remarqué des fruits sauvages qui ne laissaient pas d'être bons. Elle en prit quantité car elle mourait de faim. Mais, après que sa collation fut finie, elle tomba dans une grande inquiétude, ne sachant où elle se retirerait pour dormir, car, de rester au milieu de la forêt, exposée à tous les périls qu'elle pouvait courir, il n'était pas possible de s'y résoudre. « N'êtes-vous point effrayée, charmante biche, lui dit-elle, de passer la nuit ici ?» La biche leva les yeux vers le ciel et soupira. « Mais, continua Giroflée, vous avez parcouru déjà une partie de cette vaste solitude. N'y a-t-il point de maisonnette, un charbonnier, un bûcheron, un ermitage ?» La biche marqua par les mouvements de sa tête qu'elle n'avait rien vu. « Oh Dieu ! S'écria Giroflée, je ne serai pas en vie demain. Quand j'aurai le bonheur d'éviter les tigres et les ours, je suis certaine que la peur suffira pour me tuer. Et ne croyez pas au reste, ma chère princesse, que je regrette la vie par rapport à moi. Je la regrette par rapport à vous. Hélas, vous laissez dans ces lieux, dépourvus de toute consolation, se peut-il rien de plus triste ? La petite biche se prit à pleurer. Elle sanglotait presque comme une personne. Ses larmes touchèrent la fée Tulipe qui l'aimait tendrement. Malgré sa désobéissance, elle avait toujours veillé à sa conservation, et paraissant tout d'un coup, « Je ne veux point vous gronder, lui dit-elle. L'état où je vous vois me fait trop de peine. » Bichette et Giroflée l'interrompaient en se jetant à ses genoux. La première lui baisait les mains et la caressait le plus joliment du monde. L'autre la conjurait d'avoir pitié de la princesse et de lui rendre sa figure naturelle. « Cela ne dépend pas de moi, dit Tulipe. Celle qui lui fait tant de mal a beaucoup de pouvoir. Mais j'accourcirai le temps de sa pénitence, et pour l'adoucir, aussitôt que la nuit laissera sa place au jour, elle quittera sa forme de biche. Mais à peine l'aurore paraîtra-t-elle qu'il faudra qu'elle la reprenne, et qu'elle coure les plaines et les forêts comme les autres. » C'était déjà beaucoup de cesser d'être biche pendant la nuit. La princesse témoigna sa joie par des sauts et des bonds qui réjouirent Tulipe. « Avancez-vous, leur dit-elle, dans ce petit sentier. Vous y trouverez une cabane assez propre pour un endroit champêtre. » En achevant ces mots, elle disparut. Giroflée obéit, elle entra, avec Bichette, dans la route qu'elle voyait, et y trouva une vieille femme, assise sur le pas de sa porte, qui achevait un panier d'osier fin. Giroflée la salua. « Voudriez-vous, ma bonne mère, lui dit-elle, me retirer avec ma biche. Il me faudrait une petite chambre. »« Oui, ma belle-fille, répondit-elle. Je vous donnerai volontiers une retraite ici. Entrez avec votre biche. » Elle les mena aussitôt dans une chambre très jolie, toute boisée de merisier. Il y avait 2 petits lits, de toile blanche, des draps fins, et tout paraissait si simple et si propre que la princesse a dit depuis qu'elle n'avait rien trouvé de plus à son gré. Dès que la nuit fut entièrement venue, Désirée cessa d'être biche. Elle embrassa 100 fois sa chère Giroflée. Elle la remercia de l'affection qui l'engageait à suivre sa fortune et lui promit qu'elle rendrait la sienne très heureuse dès que sa pénitence serait finie. La vieille vint frapper doucement à leur porte, et sans entrer, elle donna des fruits excellents à Giroflée, dont la princesse mangea avec grand appétit. Ensuite, elles se couchèrent, et sitôt que le jour parut, Désiré, étant devenue biche, se mit à gratter la porte, afin que Giroflée lui ouvrît. Elles se témoignèrent un sensible regret de se séparer, quoique ce ne fût pas pour longtemps. Et Bichette, s'étant élancée dans le plus épais du bois, elle commença d'y courir, à son ordinaire. J'ai déjà dit que le prince guerrier s'était arrêté dans la forêt, et que Bécafig la parcourait, pour trouver quelques fruits. Il était assez tard lorsqu'il se rendit à la maisonnette de la bonne vieille dont j'ai parlé. Il lui parla civilement et lui demanda les choses dont il avait besoin pour son maître. Elle se hâta d'emplir une corbeille et la lui donna. « Je crains, dit-elle, que, si vous passez la nuit ici sans retraite, il ne vous arrive quelque accident. Je vous en offre une bien pauvre, mais au moins elle met à l'abri des lions. » Il la remercia et lui dit qu'il était avec un de ses amis, qu'il allait lui proposer de venir chez elle. En effet, il sut si bien persuader le prince qu'il se laissa conduire chez cette bonne femme. Elle était encore à sa porte et, sans faire aucun bruit, elle les mena dans une chambre semblable à celle que la princesse occupait, si proche l'une de l'autre qu'elles n'étaient séparées que par une cloison. Le prince passa la nuit avec ses inquiétudes ordinaires. Dès que les premiers rayons du soleil eurent brillé à ses fenêtres, il se leva et, pour divertir sa tristesse, il sortit dans la forêt, disant à Bécafig de ne point venir avec lui. Il marcha longtemps, sans tenir aucune route certaine. Enfin, il arriva dans un lieu assez spacieux, couvert d'arbres et de mousses. Aussitôt, une biche en partit. Il ne put s'empêcher de la suivre. Son penchant dominant était pour la chasse. Mais il n'était plus si vif depuis la passion qu'il avait dans le cœur. Malgré cela, il poursuivit la pauvre biche, et de temps en temps, il lui décochait des traits, qui la faisaient mourir de peur, quoiqu'elle n'en fût pas blessée, car son amie Tulipe la garantissait, il ne fallait pas moins que la main secourable d'une fée pour la préserver de périr sous des coups si justes. L'on n'a jamais été si lasse que l'était la princesse des biches. L'exercice qu'elle faisait lui était bien nouveau. Enfin, elle se détourna à un sentier si heureusement que le dangereux chasseur, la perdant de vue et se trouvant lui-même extrêmement fatigué, ne s'obstina pas à la suivre. Le jour s'étant passé de cette manière, la biche vit avec joie l'heure de se retirer. Elle tourna ses pas vers la maison où Giroflée l'attendait impatiemment. Dès qu'elle fut dans sa chambre, elle se jeta sur le lit, haletante, elle était tout en nage. Giroflée lui fit mille caresses, elle mourait d'envie de savoir ce qui lui était arrivé. L'heure de se débichonner étant arrivée, la belle princesse reprit sa forme ordinaire. Jetant les bras au cou de sa favorite, « Hélas, lui dit-elle, je croyais n'avoir à craindre que la fée de la fontaine et les cruelles hôtes des forêts. Mais j'ai été poursuivie aujourd'hui par un jeune chasseur, que j'ai vu à peine, tant j'étais pressée de fuir. Mille traits décochés après moi me menaçaient d'une mort inévitable. J'ignore encore par quel bonheur j'ai pu m'en sauver. « Il ne faut plus sortir, ma princesse, répliqua Giroflée. Passez dans cette chambre le temps fatal de votre pénitence. » J'irai dans la ville la plus proche, acheter des livres pour vous divertir. Nous lirons des contes nouveaux que l'on a faits sur les fées. Nous ferons des vers et des chansons. Tais-toi, ma chère fille, reprit la princesse. La charmante idée du prince guerrier suffit pour m'occuper agréablement. Mais le même pouvoir qui me réduit pendant le jour à la triste condition de biche me force malgré moi de faire ce qu'elles font. Je cours, je saute et je mange l'herbe comme elles. Dans ce temps-là, une chambre me serait insupportable. » Elle était si harassée de la chasse qu'elle demanda promptement à manger. Ensuite, ses beaux yeux se fermèrent jusqu'au lever de l'aurore. Dès qu'elle l'aperçut, la métamorphose ordinaire se fit et elle retourna dans la forêt. Le prince, de son côté, était venu sur le soir rejoindre son favori. « J'ai passé le temps, lui dit-il, à courir après la plus belle biche que j'ai jamais vue. Elle m'a trompé 100 fois avec une adresse merveilleuse. J'ai tiré si juste que je ne comprends point comment elle a évité mes coups. Aussitôt qu'il fera jour, j'irai la chercher encore et ne la manquerai point. » En effet, ce jeune prince, qui voulait éloigner de son cœur une idée qu'il croyait chimérique, n'étant pas fâché que la passion de la chasse l'occupât, se rendit de bonne heure dans le même endroit où il avait trouvé la biche. Mais elle se garda bien d'y aller, craignant une aventure semblable à celle qu'elle avait eue. Il jeta les yeux de tous côtés. Il marcha longtemps, et comme il s'était échauffé, il fut ravi de trouver des pommes dont la couleur lui fit plaisir. Il en cueillit, il en mangea, et presque aussitôt il s'endormit d'un profond sommeil. Il se jeta sur l'herbe fraîche, sous des arbres, où 1000 oiseaux semblaient s'être donné rendez-vous. Dans le temps qu'il dormait, notre craintive biche, avide des lieux écartés, passa dans celui où il était. Si elle l'avait aperçu plus tôt, elle l'aurait fui. Mais elle se trouva si proche de lui qu'elle ne put s'empêcher de le regarder, et son assoupissement la rassura si bien qu'elle se donna le loisir de considérer tous ses traits. Oh Dieu, que devint-elle quand elle le reconnut ? Son esprit était trop rempli de sa charmante idée pour l'avoir perdue en si peu de temps. « Amour, amour, que veux-tu donc ? Faut-il que Bichette s'expose à perdre la vie par les mains de son amant ? » ?»« Oui, elle s'y expose. Il n'y a plus moyen de songer à sa sûreté. » Elle se coucha à quelques pas de lui, et ses yeux, ravis de le voir, ne pouvaient s'en détourner un moment. Elle soupirait, elle poussait de petits gémissements. Enfin, devenant plus hardie, elle s'approcha encore davantage. Elle le touchait lorsqu'il s'éveilla. Sa surprise parut extrême. Il reconnut la même biche qui lui avait donné tant d'exercice et qu'il avait cherché longtemps. Mais la trouver si familière lui paraissait une chose rare. Elle n'attendit pas qu'il eût essayé de la prendre. Elle s'enfuit de toute sa force et il la suivit de toute la sienne. De temps en temps, il s'arrêtait pour reprendre haleine, car la belle biche était encore lasse d'avoir couru la veille, et le prince ne l'était pas moins qu'elle. Mais ce qui ralentissait le plus la fuite de Bichette, hélas, faut-il le dire, c'était la peine de s'éloigner de celui qui l'avait plus blessée par son mérite que par les traits qu'il tirait sur elle. Il la voyait très souvent, qui tournait la tête sur lui comme pour lui demander s'il voulait qu'elle périsse sous ses coups. Et lorsqu'il était sur le point de la joindre, elle faisait de nouveaux efforts pour se sauver. « Ah, si tu pouvais m'entendre, petite biche !» lui criait-il, « tu ne m'éviterais pas. Je t'aime, je te veux nourrir, tu es charmante, j'aurai soin de toi. » L'air emportait ses paroles. Elle n'allait point jusqu'à elle. Enfin, après avoir fait tout le tour de la forêt, notre biche, ne pouvant plus courir, ralentit ses pas. Et le prince, redoublant les siens, la joignit avec une joie dont il ne croyait plus être capable. Il vit bien qu'elle avait perdu toutes ses forces. Elle était couchée, comme une pauvre petite bête, demi-morte, et elle n'attendait que de voir finir sa vie par les mains de son vainqueur. Mais, au lieu de lui être cruel, il se mit à la caresser. « Belle biche, lui dit-il, n'aie point de peur. Je veux t'emmener avec moi, et que tu me suives partout. » Il coupa exprès des branches d'arbres, il les plia adroitement. Il les couvrit de mousse. Il y jeta des roses dont quelques buissons étaient chargés. Ensuite, il prit la biche entre ses bras, il appuya sa tête sur son cou et vint la coucher doucement sur ses ramées. Puis, il s'assit auprès d'elle, cherchant de temps en temps des herbes fines qu'il lui présentait et qu'elle mangeait dans sa main. Le prince continuait de lui parler, quoiqu'il fût persuadé qu'elle ne l'entendait pas. Cependant, quelque plaisir qu'elle eût de le voir, elle s'inquiétait parce que la nuit s'approchait. « Que serait-ce, disait-elle en elle-même, s'il me voyait changer tout d'un coup de forme, il serait effrayé et me fuirait, ou, s'il ne me fuyait pas, que n'aurais-je pas à craindre, ainsi seule dans une forêt ?» Elle ne faisait que penser de quelle manière elle pourrait se sauver. Lorsqu'il lui en fournit le moyen, car, ayant peur qu'elle n'eût besoin de boire, il alla voir où il pourrait trouver quelques ruisseaux, afin de l'y conduire. Pendant qu'il cherchait, elle se déroba promptement et vint à la maisonnette où Giroflée l'attendait. Elle se jeta encore sur son lit. La nuit vint, sa métamorphose cessa, elle lui apprit son aventure. « Le croiras-tu, ma chère ? » lui dit-elle. « Mon prince guerrier est dans cette forêt. » C'est celui qui m'a chassée depuis 2 jours et qui, m'ayant prise, m'a fait 1000 caresses. Ah, que le portrait qu'on m'en apporta est peu fidèle. Il est 100 fois mieux fait. Tout le désordre où l'on voit les chasseurs ne dérobe rien à sa bonne mine et lui conserve des agréments que je ne saurais t'exprimer. Ne suis-je pas bien malheureuse d'être obligée de fuir ce prince, lui qui m'est destiné par mes plus proches, lui qui m'aime et que j'aime? Il faut qu'une méchante fée me prenne en aversion le jour de ma naissance et trouble tous ceux de ma vie. » Elle se prit à pleurer. Giroflée la consola et lui fit espérer que dans quelque temps, ses peines seraient changées en plaisir. Le prince revint vers sa chère biche dès qu'il eut trouvé une fontaine. Mais elle n'était plus au lieu où il l'avait laissée. Il la chercha inutilement partout et sentit autant de chagrin contre elle que si elle avait dû avoir de la raison. « Quoi ? S'écria-t-il. Je n'aurai donc jamais que des sujets de me plaindre de ce sexe trompeur et infidèle ?» Il retourna chez la bonne vieille, plein de mélancolie. Il conta à son confident l'aventure de Bichette et l'accusa d'ingratitude. Becafigue ne put s'empêcher de sourire de la colère du prince. Il lui conseilla de punir la biche quand il la rencontrerait. « Je ne reste plus ici que pour cela, » répondit le prince. « Ensuite, nous partirons pour aller plus loin. » Le jour revint, et avec lui, la princesse reprit sa figure de biche blanche. Elle ne savait à quoi se résoudre, ou d'aller dans les mêmes lieux que le prince parcourait ordinairement, ou de prendre une route tout opposée pour l'éviter. Elle choisit ce dernier parti et s'éloigna beaucoup. Mais le jeune prince, qui était aussi fin qu'elle, en usa tout de même, croyant bien qu'elle aurait cette petite ruse. De sorte qu'il la découvrit dans le plus épais de la forêt. Elle s'y trouvait en sûreté lorsqu'elle l'aperçut. Aussitôt elle bondit, elle saute par-dessus les buissons, et, comme si elle eût appréhendé davantage, à cause du tour qu'elle lui avait fait le soir, elle fuit plus légère que les vents. Mais dans le moment qu'elle traversait un sentier, ils la mirent si bien qu'il lui enfonce une flèche dans la jambe. Elle sentit une douleur violente, et n'ayant plus assez de force pour fuir, elle se laissa tomber. « Amour cruel et barbare, où étais-tu donc ? Quoi ? Tu laisses blesser une fille incomparable par son tendre amant ?» Cette triste catastrophe était inévitable, car la fée de la fontaine y avait attaché la fin de l'aventure. Le prince s'approcha, il eut un sensible regret de voir couler le sang de la biche. Il prit des herbes, il les lia sur sa jambe pour la soulager, et lui fit un nouveau lit de ramée. Il tenait la tête de Bichette appuyée sur ses genoux. « N'es-tu pas cause, petit volage, lui disait-il, de ce qui t'est arrivé ? Que t'avais-je fait hier pour m'abandonner ? Il n'en sera pas aujourd'hui de même, je t'emporterai. » La biche ne répondit rien. Qu'aurait-elle dit ? Elle avait tort et ne pouvait parler. Car ce n'est pas toujours une conséquence que ceux qui ont tort se taisent. Le prince lui faisait mille caresses. « Que je souffre de t'avoir blessé, lui disait-il. Tu me haïras, et je veux que tu m'aimes. » Il semblait, à l'entendre, qu'un secret génie lui inspira tout ce qu'il disait à Bichette. Enfin, l'heure de revenir chez sa vieille hôtesse approchait. Il se chargea de sa chasse, et n'était pas médiocrement embarrassé à la porter, à la mener, et quelquefois à la traîner. Elle n'avait aucune envie d'aller avec lui. « Qu'est-ce que je vais devenir ? » disait-elle. « Quoi ? Je me trouverai toute seule avec ce prince ? Ah, mourons plutôt !» Elle faisait la pesante et l'accablait. Il était tout en eau de tant de fatigue, et quoiqu'il n'y eût pas loin pour se rendre à la petite maison, il sentait bien que sans quelque secours, il n'y pourrait arriver. Il alla quérir son fidèle Becafigue, mais, avant que de quitter sa proie, il l'attacha avec plusieurs rubans au pied d'un arbre, dans la crainte qu'elle ne s'enfuit. Hélas ! Qui aurait pu penser que la plus belle princesse du monde serait un jour traitée ainsi par un prince qui l'adorait ? Elle essaya inutilement d'arracher les rubans, ses efforts les nouèrent plus serrés, et elle était prête de s'étrangler avec un nœud coulant qu'il avait malheureusement fait, lorsque Giroflée, lasse d'être toujours enfermée dans sa chambre, sortit pour prendre l'air, et passa dans le lieu où était la biche blanche qui se débattait. Que devint-elle quand elle aperçut sa chère maîtresse ? Elle ne pouvait se hâter assez de la défaire. Les rubans étaient noués par différents endroits. Enfin, le prince arriva avec Becafigue, comme elle allait emmener la biche. « Quelque respect que j'ai pour vous, madame, lui dit le prince, permettez-moi de m'opposer au larcin que vous voulez me faire. J'ai blessé cette biche, elle est à moi. Je l'aime, je vous supplie de m'en laisser le maître. » « Seigneur, répliqua civilement Giroflée, car elle était bien faite et gracieuse. « La biche que voici est à moi, avant que d'être à vous. Je renoncerai aussitôt à ma vie qu'à elle. Et si vous voulez voir comme elle me connaît, je ne vous demande que de lui donner un peu de liberté. Allons, ma petite Blanche, dit-elle, embrassez-moi. » Bichette se jeta à son cou. « Baisez-moi la joue droite. » Elle obéit. « Touchez mon cœur. » Elle y porta le pied. « Soupirez. » Elle soupira. Il ne fut plus permis au prince de douter de ce que Giroflée lui disait. « Je vous la rends, lui dit-il, honnêtement. » Mais j'avoue que ce n'est pas sans chagrin. Elle s'en alla aussitôt avec sa biche. Elles ignoraient que le prince demeurait dans leur maison. Il les suivit d'assez loin et demeura surpris de les voir entrer chez la vieille bonne femme. Il s'y rendit fort peu après elle, et, poussé d'un mouvement de curiosité dont Biche Blanche était cause, il lui demanda qui était cette jeune personne. Elle répliqua qu'elle ne la connaissait pas, qu'elle l'avait reçue chez elle avec sa biche, qu'elle la payait bien et qu'elle vivait dans une grande solitude. Bécafigue s'informa en quel lieu était sa chambre. Elle lui dit que c'était si proche de la sienne qu'elle n'était séparée que par une cloison. Lorsque le prince fut retiré, son confident lui dit qu'il était le plus trompé des hommes ou que cette fille avait demeuré avec la princesse Désirée, qu'il l'avait vue au palais quand il y était allé en ambassade. « Quel funeste souvenir, me rappelez-vous ? » lui dit le prince. « Et par quel hasard serait-elle ici ?»« C'est ce que j'ignore, seigneur, » ajouta Bécafigue. « Mais j'ai envie de la voir encore, et puisqu'une simple menuiserie nous sépare, j'y vais faire un trou. » « Voilà une curiosité bien inutile, » dit le prince, tristement, car les paroles de Bécafigue avaient renouvelé toutes ses douleurs. En effet, il ouvrit sa fenêtre, qui regardait dans la forêt, et se mit à rêver. Cependant, Bécafigue travaillait, et il eut bientôt fait un assez grand trou pour voir la charmante princesse vêtue d'une robe de brocart d'argent, mêlée de quelques fleurs incarnat brodées d'or avec des émeraudes. Ses cheveux tombaient par grosses boucles sur la plus belle gorge du monde. Son teint brillait des plus vives couleurs et ses yeux ravissaient. Giroflée était à genoux devant elle qui lui bandait le bras dont le sang coulait avec abondance. Elles paraissaient toutes deux assez embarrassées de cette blessure. « Laisse-moi mourir, » disait la princesse. « La mort me sera plus douce que la déplorable vie que je mène. Quoi, être biche tout le jour ? Voir celui à qui je suis destinée sans lui parler, sans lui apprendre ma fatale aventure ? Hélas, si tu savais tout ce qu'il m'a dit de touchant sous ma métamorphose, quel ton de voix il a, quelles manières nobles et engageantes, tu me plaindrais encore plus que tu ne fais de n'être point en état de l'éclaircir de ma destinée. » L'on peut assez juger de l'étonnement de Bécafigue par tout ce qu'il venait de voir et d'entendre. Il courut vers le prince, il l'arracha de la fenêtre avec des transports de joie inexprimables. « Ah, seigneur, lui dit-il, ne différez pas de vous approcher de cette cloison. Vous verrez le véritable original du portrait qui vous a charmé. » Le prince regarda et reconnut aussitôt sa princesse. Il serait mort de plaisir s'il n'eût craint d'être déçu par quelque enchantement. Car enfin, comment accommoder une rencontre si surprenante avec Longue Épine et sa mère qui étaient renfermées dans le château des Trois Pointes et qui prenaient le nom, l'une, de Désirée et l'autre de sa dame d'honneur ? Cependant, la passion le flattait. L'on a un penchant naturel à se persuader ce que l'on souhaite. Et dans une telle occasion, il fallait mourir d'impatience ou s'éclaircir. Il alla sans différer frapper doucement à la porte de la chambre où était la princesse. Giroflée, ne doutant pas que ce ne fût la bonne vieille, ayant même besoin de son secours pour lui aider à bander le bras de sa maîtresse, se hâta d'ouvrir et demeura bien surprise de voir le prince qui vint se jeter aux pieds de Désirée. Les transports qui l'animaient lui permirent si peu de faire un discours suivi que, quelque soin que j'aie eu de m'informer de ce qu'il lui dit dans ses premiers moments, je n'ai trouvé personne qui m'en ait bien éclairci. La princesse ne s'embarrassa pas moins dans ses réponses. Mais l'amour, qui sert souvent d'interprète aux muets, se mit en tiers et persuada à l'un et à l'autre qu'il ne s'était jamais rien dit de plus spirituel. Au moins ne s'était-il jamais rien dit de plus touchant et de plus tendre. Les larmes, les soupirs, les serments et même quelques sourires gracieux, tout en fut. La nuit se passa ainsi. Le jour parut sans que Désirée y eût fait aucune réflexion et elle ne devint plus biche. Elle s'en aperçut. Rien ne fut égal à sa joie. Le prince lui était trop cher pour différer de la partager avec lui. Au même moment, elle commença le récit de son histoire qu'elle fit avec une grâce et une éloquence naturelle qui surpassait celle des plus habiles. « Quoi ? S'écria-t-il, ma charmante princesse, c'est vous que j'ai blessée sous la figure d'une biche blanche ? Que ferais-je pour expier un si grand crime ? Suffira-t-il d'en mourir de douleur à vos yeux ?» Il était tellement affligé que son déplaisir se voyait peint sur son visage. Désirée en souffrit plus que de sa blessure. Elle l'assura que ce n'était presque rien et qu'elle ne pouvait s'empêcher d'aimer un mal qui lui procurait tant de bien. La manière dont elle lui parla était si obligeante qu'il ne put douter de ses bontés. pour l'éclaircir à son tour de toutes choses, il lui raconta la supercherie que Longue Épine et sa mère avaient faite, ajoutant qu'il fallait se hâter d'envoyer dire au roi son père le bonheur qu'il avait eu de la trouver, parce qu'il allait faire une terrible guerre pour tirer raison de l'affront qu'il croyait avoir reçu. Désiré le pria d'écrire par Bécafigue. Il voulait lui obéir lorsqu'un bruit perçant de trompettes, clairons, timbales et tambours se répandit dans la forêt. Il leur sembla même qu'ils entendaient passer beaucoup de monde proche de la petite maison. Le prince regarda par la fenêtre, il reconnut plusieurs officiers, ses drapeaux et ses guidons, il leur commanda de s'arrêter et de l'attendre. Jamais surprise n'a été plus agréable que celle de cette armée. Chacun était persuadé que leur prince allait la conduire et tirer vengeance du père de Désiré. Le père du prince les menait lui-même, malgré son grand âge. Il venait dans une litière de velours, en broderie d'or. Elle était suivie d'un chariot découvert. Longue Épine y était, avec sa mère. Le prince guerrier, ayant vu la litière, y courut, et le roi, lui tendant les bras, l'embrassa avec mille témoignages d'un amour paternel. « Et d'où venez-vous, mon cher fils ? » s'écria-t-il. « Est-il possible que vous m'ayez livré à la douleur que votre absence me cause ?»« Seigneur, dit le prince, daignez m'écouter. » Le roi aussitôt descendit de sa litière, et, se retirant dans un lieu écarté, son fils lui apprit l'heureuse rencontre qu'il avait faite, et la fourberie de Longue Épine. Le roi, ravi de cette aventure, leva les mains et les yeux au ciel pour lui en rendre grâce. Dans ce moment, il vit paraître la princesse Désirée, plus belle et plus brillante que tous les astres ensemble. Elle montait un superbe cheval qui n'allait que par courbette. 100 plumes de différentes couleurs paraient sa tête, et les plus gros diamants du monde avaient été mis à son habit. Elle était vêtue en chasseur. Giroflée, qui la suivait, n'était guère moins parée qu'elle. C'était là des effets de la protection de Tulipe. Elle avait tout conduit avec soin et avec succès. La jolie maison du bois fut faite en faveur de la princesse, et sous la figure d'une vieille, elle l'avait régalée pendant plusieurs jours. Dès que le prince reconnut ses troupes et qu'il alla trouver le roi son père, elle entra dans la chambre de Désiré. Elle souffla sur son bras pour guérir sa blessure. Elle lui donna ensuite les riches habits sous lesquels elle parut aux yeux du roi, qui demeura si charmé qu'il avait bien de la peine à la croire une personne mortelle. Il lui dit tout ce qu'on peut imaginer de plus obligeant dans une semblable occasion, et la conjura de ne point différer à ses sujets le plaisir de la voir pour reine. « Car je suis résolu, continua-t-il, de céder mon royaume au prince guerrier, afin de le rendre plus digne de vous. » Désiré lui répondit avec toute la politesse qu'on devait attendre d'une personne si bien élevée. Puis, jetant les yeux sur les deux prisonnières qui étaient dans le chariot et qui se cachaient le visage de leurs mains, elle eut la générosité de demander leur grâce et que le même chariot où elles étaient servît à les conduire où elles voudraient aller. Le roi consentit à ce qu'elles souhaitaient, ce ne fut pas sans admirer son bon cœur et sans lui donner de grandes louanges. On ordonna que l'armée retournerait sur ses pas. Le prince monta à cheval pour accompagner sa belle princesse. On les reçut dans la ville capitale avec 1000 cris de joie. L'on prépara tout pour le jour des noces, qui devint très solennel par la présence de 6 bénignes fées qui aimaient la princesse. Elles lui firent les plus riches présents qui se soient jamais imaginés. Entre autres, ce magnifique palais, où la reine les avait été voir, parut tout d'un coup en l'air, porté par 50 000 amours, qui le posèrent dans une belle plaine au bord de la rivière. Après un tel don, il ne s'en pouvait plus faire de considérable. Le fidèle Bécafigue pria son maître de parler à Giroflée et de l'unir avec elle lorsqu'il épouserait la princesse. Il le voulut bien. Cette aimable fille fut très aise de trouver un établissement si avantageux en arrivant dans un royaume étranger. La fée Tulipe, qui était encore plus libérale que ses sœurs, lui donna 4 mines d'or dans les Indes, afin que son mari n'eût pas l'avantage de se dire plus riche qu'elle. Les noces du prince durèrent plusieurs mois. Chaque jour fournissait une fête nouvelle, et les aventures de Biche Blanche ont été chantées par tout le monde. Moralité : la princesse, trop empressée de sortir de ses sombres lieux, où voulait une sage fée lui cacher la clarté des cieux. Ses malheurs, sa métamorphose, font assez voir en quel danger une jeune beauté s'expose quand trop tôt dans le monde elle ose s'engager. Ô vous, à qui l'amour d'une main libérale a donné des attraits capables de toucher, la beauté souvent est fatale, vous ne sauriez trop la cacher. Vous croyez toujours vous défendre, en vous faisant aimer, de ressentir l'amour. Mais sachez qu'à son tour, à force d'en donner, on peut souvent en prendre. Fin de la section 5.